Ici Christophe pour audiocité.net. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de L'Avenir. Bonjour et bienvenue en ce 5 mars 2010 à notre 15e émission. Christian Martin au microphone. Merci Christophe pour la petite intro. Christophe est très impliqué auprès d'Audiocité. Il est un de leurs principaux lecteurs et fait partie du conseil d'administration. Pour nous, il est principalement la voix de Steve O'Meara-Singh dans les aventures de Mazas et il incarnera l'estrade dans les aventures de notre agent très spécial. Sur notre blog, nous poursuivons la mise en ligne de notre mini-production de Le mystère de la chambre jaune, la première aventure de Rouletabille. Vous avez eu droit au chapitre 24 hier, et les deux chapitres suivants seront mis en ligne jeudi prochain, soit le 11 mars. Cathy, qui incarne Mazas, a débuté la diffusion de son émission sur audiolibris.net. Entrevues et confidences d'auteurs. Vous pouvez accéder directement à l'émission sur le site audiolibris.net, audiolibris.net. Allez jeter une oreille, ça vaut le détour. Oh! Je vois que ma première contribution a été mise en ligne hier. Mais revenons à notre aventure de Mazas. La semaine dernière, Mazas et Steve ont pu ramener tous leurs compagnons blessés au cœur de Fomalo. Tous se remettent sous les soins du midi-robot, sauf Kalec Voram. Le rouquin est en piteux état. Seul un séjour dans un caisson cryogénique peut encore le sauver. Les éditions de L'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Chapitre 4, deuxième partie. Le petit astronef commença à frémir sous l'impulsion de ses antigés et quitta lentement le sol inhospitalier d'Ouzilax. Steve O'Meara lança un coup d'œil inquisiteur vers Corton Nagaise qui, encore un peu pâle, se carrait sur son siège contour. Le gnome lui répondit d'un sourire confiant. Mazas et Goral étaient installés dans les autres sièges. Tosef s'occupait de la centrale de tir, tandis que la jeune femme avait devant elle les hypercoms et les radars d'approche. Ça y est, on est parti. Dans combien de temps serons-nous sur la planète de cristal ? Vu l'endroit de la galaxie où nous avons abouti, il va falloir effectuer au moins 3 étapes. Le cœur de Fomalo n'est pas comparable aux énormes vaisseaux de l'OMU, et nous ne pouvons pas avaler plusieurs milliers d'années-lumière d'un seul coup avec des calupes en état douteux. Bah, l'essentiel, c'est de repartir dans la bonne direction, avec un engin en bon état de marche. Nous n'en sommes quand même plus à quelques heures près. Le sol, dont les seules teintes étaient le vert foncé et l'ocre jaune, s'éloigna sous le ventre de l'appareil, et Ouzilax se mit à diminuer rapidement avant de se perdre parmi les planètes et étoiles en voie d'extinction du sac de charbon. Le cœur de Fomalo entama sa première sortie de l'entre-espace

Oui, mais comme toutes les armes se déclencheront en même temps, il ne tardera pas à s'apercevoir que les radiants tirent dans toutes les directions, et pas uniquement sur sa cible. De là à supposer qu'il n'y a plus personne à bord, il n'y a qu'un pas, car je doute fort qu'il soit idiot. Lui expliqua son ami. Moralité, il faut rejoindre au plus vite un des deux mondes habités pour tenter de nous fondre dans la population. Lequel des deux ? Interrogea la jeune femme. Corianlan 5, c'est le plus proche. Pendant les minutes qui suivirent, les passagers de la nacelle s'intéressèrent à la topographie de leur lieu de destination afin de déterminer l'endroit le plus favorable pour y atterrir discrètement. Comme il ne pouvait être question de survoler la planète pour effectuer leurs recherches, il leur fallut se rabattre sur une chaîne montagneuse qui se trouvait sur une trajectoire rectiligne d'approche. Je pense que cela devrait convenir. En tout cas, ça présente le mérite de limiter les risques de nous faire repérer dès notre arrivée. Il faudra trouver une grotte ou une faille ou déposer le sarcophage de Kalec sans qu'un autochtone risque de le découvrir. Après, avec nos propulseurs anti-jets, nous pourrons couvrir n'importe quelle distance. Le point en incrustation dans la petite fenêtre, en haut à droite de l'écran, qui représentait le cœur de Fomalo, disparut dans un éclair, informant les fugitifs que le vaillant petit astronef venait d'être pulvérisé. Steve ne dit pas un mot, mais les muscles de ses maxillaires se contractèrent violemment. Mazas le regarda avec sympathie. Je peux te garantir que l'OMU t'en payera un œuf à notre retour. Oui, je n'en doute pas. Mais celui-ci nous a fidèlement servi, Corton et moi, depuis nos débuts dans le commerce. Commerce ? C'est comme ça que tu appelles ton job ? S'esclaffa la jeune femme, déclenchant l'hilarité de Garal et du copilote. C'est une forme de commerce ? Maugréa son interlocuteur, avant de changer totalement de sujet. Bon, fini de rire. Le vaisseau qui a détruit le cœur de Fomalo est sans aucun doute à notre recherche. Il faut donc nous perdre le plus rapidement possible dans la région que nous avons choisie pour nous poser. Lancée comme un bolide, la nacelle parvint à la limite de l'atmosphère de Coriolan 5. Avec sa maîtrise habituelle, Steve la fit ricocher sur les couches d'air pour aider à son freinage. Et c'est à une allure nettement plus calme qui l'amena au-dessus de la barrière rocheuse qui était leur but. Uniquement propulsé par ses antigés, le petit engin plana à quelques mètres du sol, tandis que chacun des passagers observait le paysage qui défilait lentement sous eux. Là, il y a une sorte de cassure qui doit être suffisamment large pour permettre d'y dissimuler la nacelle. Tu as raison. D'ailleurs, moins nous resterons en l'air et plus nos chances de passer inaperçus seront grandes. En joignant le geste à la parole, il s'y dirigea et se posa sans problème au fond de la faille. Ici, nous sommes à l'abri. Pour nous repérer, il faut passer directement à la verticale de cette anfractuosité, ce qui serait vraiment un coup de déveine. Ils mirent pied à terre. Heureux de sentir la terre ferme sous leurs pas, même si la suite de leur programme devait se révéler ardue à mener. Et voilà. Désolé pour le manque d'entrain dans ma voix ce matin. Petit mal de gorge oblige. Donc, les interprètes pour cette 9e partie sont K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Ersing, Kael dans le rôle de Corton Nagez, Fred dans les rôles de Goral Tosef et du commandant du Team 4 de Baalol, et moi-même à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des éditions de l'Avenir. Toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodrama via notre blog à damneraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.